إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer inshallah les explications des 40 النووية et on est toujours au hadith numéro 2. D'accord? Donc on voit que là, on est, subhanallah, toujours dans les explications du hadith numéro 2. On n'a pas encore débuté les piliers de l'islam. Vous voyez? Donc c'est pas comme on voyait, comme on avait parlé tout à l'heure, c'est pas juste on lit le hadith et puis, vous voyez, subhanallah, tout ce que ça demande. Donc ça, c'est le cours numéro 9, hein, si je me souviens bien. Donc, on s'était arrêté sur les explications du Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah. Et nous avons vu une faïda concernant celui qui prononce les deux attestations de foi. Il est sous le test, taht l'irtibar. Soit on le voit que c'est quelqu'un que lorsqu'arrive l'heure de la salette, il veut aller prier, il fait les efforts pour prier, ou bien même il prie, il demande comment faire, et il recherche la science. D'accord ? On dit qu'il est musulman. Soit il dit les deux attestations de foi, il les prononce, et on le voit, il ne cherche même pas à rechercher la science, il ne veut même pas venir prier, il ne recherche même pas à demander comment on prie. D'accord ? Et donc, le Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, avait dit que celui-là, c'est un murtad, un apostat. Donc, l'individu, il ne faut pas s'arrêter, nous, lorsqu'on fait de la da'wah, on ne doit pas chercher juste qui prononce shahadatain, qui prononce les deux attestations de foi. Mais on doit s'assurer qu'il les comprend. On doit s'assurer que, lorsque c'est bien compris, que c'est mis en application. D'accord ? C'est pour cela. Donc on avait vu sur cela. On avait vu un autre point, c'est Aïn Allah. Où est Allah? Aïn Allah. Aïn Allah. Au-dessus de toute sa création. D'accord? Barakalofik. La réponse, même lorsqu'on apprend aux enfants Aïn Allah, et Aïn Allah, dire fis sama. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est avoir mon fils Anas, qui a 5 ans, et avoir en face de moi un Mubtadi'a. Quelqu'un, un soufi, qui te dit qu'Allah, il est partout. Donc, je dis à mon fils, Aïn Allah, et il répond, Fis Sama, Alhamdulillah. Et celui-là, qui est âgé de je ne sais pas quel âge, Subhanallah, il va te dire qu'il est partout. A'oudou billah. Donc, celui qui croit qu'Allah, il est partout, c'est du kufr. Pourquoi ? Parce que il oppose le Coran et la Sunna. D'accord ? Puisqu'Allah Azza wa Jal a dit clairement qu'il est au-dessus de sa création. Et le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, comme dans Sahih Muslim, avait clairement mentionné que Allah Azza wa Jal avait attesté la croyance de cette servante, de cette femme qui était esclave. Il a attesté qu'elle était croyante. Et parmi sa réponse, c'est qu'elle disait qu'Allah est au-dessus des cieux. D'accord ? Donc celui qui croit qu'Allah est partout, si c'est un jahil, on lui montre les preuves et on l'apprend. On lui dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et on demande qu'Allah le guide. Mais si c'est quelqu'un qu'on lui donne les preuves, et malgré cela il les refuse, ça c'est un kafir, celui qui croit qu'Allah Azza wa Jal est partout, ou qu'Allah est dans sa création. D'accord ? Et ce soufi d'Ibn al-Arabi qui dit que qu'Allah il est partout, et jusqu'à qu'il voyait le porc ou le chien, ils disaient ça c'est votre dieu, ou qui disent aujourd'hui que Pharaon avait raison et que Moussa avait tort, que Moussa aurait dû obéir Pharaon parce qu'en adorant Pharaon, il aurait adoré Allah. Oudou billah. Tout ça, c'est du kufr. D'accord ? Donc, on avait vu ces différents points-là. Donc, toujours dans les explications de Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yanbighi lil'abd an yuhawal. أن يحيط به معرفة ليعرف كيف استوائه وكيف علوه وكيف مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء كل هذا لا ينبغي البحث فيه. Donc il dit là dans la croyance, lorsqu'on avait vu l'élévation d'Allah Azza wa Jal, Allah est élevé au-dessus de son trône. On avait vu que le trône, c'est le plafond de toute la création. C'est le plafond. Et que le trône, c'est une création. D'accord ? Et qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa créature. Une shubha que ramènent les mubtadi'a. Quelqu'un, il vient, il te dit, yani que, eh bien, al-zaman ou al-makan, le temps et le lieu, l'endroit, il te dit même, l'endroit, d'accord ? L'endroit, c'est une créature, oui ou non? C'est une créature. Donc, il te vient avec cette choubha-là. Il va te dire que... Toi, tu dis qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ça, toute la création. Et lui, de par son ignorance, il te dit que... Oui, mais si tu dis qu'Allah est au-dessus de sa créature, donc ça veut dire que tu lui assignes un endroit. D'accord? Mais ça, c'est de par son ignorance. Parce que ce qui est le trône et en dessous du trône, c'est des créatures. D'accord ? Le temps, l'endroit, ce sont des créatures, on est d'accord. Mais au-dessus du trône, c'est Allah. Il n'y a pas de créature, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu. D'accord ? Est-ce que c'est clair ça ? C'est clair ? C'est-à-dire que même si quelqu'un vient avec une choubha comme ça, vous savez comment ? Réfuter cette choubha, bi'idhnillah. Donc il dit maintenant, vous voyez, on sait qu'Allah Azza wa Jal, donc Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa, surat Taha, et tu peux le noter là, fermi barakallahu fik, verset 5. Donc c'est le miséricordieux, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus de son trône. Donc l'information qu'on a ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Donc ça, on le sait. Ça, on le sait. Maintenant, ce que dit le Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimallah, il dit qu'il n'est pas permis, qu'il n'est pas autorisé aux serviteurs de chercher comment. Toi, tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Allah Azza wa Jal a dit qu'il est élevé au-dessus de son trône. Tu dis qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Tu ne rentres pas dans le kayf. Tu vois ? C'est pour ça qu'il dit... لا ينبغي للعبد أن يحاول أن يحيط به معرفة ليعرف كيف استوائه. Donc tu ne dois pas chercher à savoir comment il est élevé. Tu ne dois pas chercher à savoir comment. Tu ne dois pas chercher à savoir comment il arrive le jour de la résurrection. Comment il arrive le jour de la résurrection pour juger entre les gens. D'accord ? Comme vous récitez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur. Par rapport à la création des mains, que Allah est... Exactement, barakallahu fik. Donc, et ton Seigneur vient le jour de la résurrection et les anges en rang. En rang. Les anges, ils sont en rang. Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il vient le jour de la résurrection. Tu le dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Tu ne vas pas dans comment il vient. Ou bien par exemple, Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé Adam avec ses deux mains. D'accord ? Toi, lorsque tu dis qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam avec ses deux mains, lorsque tu dis cette information-là à quelqu'un qui t'écoute, tu ne montres pas tes mains. Tu vois ? Si tu parles avec le langage, tu ne dis pas, eh bien, et tu montres, A'oudou billah. Parce que Allah Azza wa Jalla dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Donc, tu attestes qu'Allah Azza wa Jalla a des mains. Non. Tu attestes qu'Allah Azza wa Jalla a des mains comme Allah Azza wa Jalla. C'est décrit, mais tu ne dis pas, tu ne cherches pas comment elles sont. Ou il n'est pas autorisé de dire, eh bien, lorsque tu parles, eh bien, ses mains, et tu montres tes mains. Tu vois? En disant, Allah, il a des mains, et tu montres ta main. C'est haram de faire ça. Tout ce qu'on ne sait pas, qui n'est pas décrit, on ne peut pas le... Tu le dis, ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, mais tu ne vas pas dans le kayfiyya. D'accord? Tu ne vas pas de, eh bien, ses mains sont comme nos mains, a'oudou billah, parce que ça, c'est faux. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. D'accord? Donc, il est interdit, il n'est pas permis de rechercher le comment. D'accord? Comment est élevé Allah? D'accord? Comment il vient? Tu ne vas pas dans le comment. D'accord ? Puisqu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas informé, donc tu ne le dis pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le shir ? Rahimahullah. D'accord ? Il dit « Kul hadha la yanbaghi al-bahth fihi, walakin yajib al-iman bih. » Tout cela, il n'est pas permis de rechercher dans cela, mais tu dois croire en cela. Tu ne recherches pas le comment, mais tu crois en cela. D'accord ? Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit, tu t'arrêtes là. Et tu crois en cela. Allah هو الذي أخبر عن نفسه وأخبر عنه الصادق الأمين وجب تصديق ذلك ولكن لا يجوز البحث عن الكيفية كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إلى آخر الآثار. Donc il dit, le Cheikh Mohamed Amel Jami rahimahullah, donc tu dois croire. Tu dois avoir la foi en cela. Tu ne dois pas chercher le comment. D'accord ? Allah Azza wa Jal, c'est lui-même décrit. Donc tu dis comme Allah Azza wa Jal s'est décrit. Sans changer le sens, pour ne pas tomber comme les Asha'ira qui ont modifié le sens en disant les mains, pour éviter de penser que ce sont les mains comme nous, eh bien ça veut dire un ni'ma ou al qawwa. Tout ça, c'est interdit ça. D'accord ? Parce que ça, ça s'appelle du tahrif. D'accord ? Ça veut dire qu'ils vont modifier le sens. Ils vont changer le sens. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Yéhoud al-Nassara, les Juifs et les Chrétiens. Lorsqu'ils ont changé le sens de leur... des livres qu'ils avaient. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, il dit... Allah Azza wa Jal s'est décrit. Il a donné des informations sur cela. Il s'est décrit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah Azza wa Jal. Comme dans les hadiths concernant qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, descend au premier tiers. Au dernier tiers de la nuit. Au dernier tiers de la nuit. Tu dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans Shahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est ce qu'on va voir dans l'attestation. Subhanallah. Pourtant, le micro, il est en marche, là, Ekhi. Est-ce que tu m'entends ou pas ? Accroche. Et je raccroche. Est-ce que tu m'entends ? Salam alaikum. Allah al-Musta'an. Le mic est allumé. Allah al-Musta'an. Je sais pas, moi ça m'affiche que c'est allumé. Allah al-Musta'an. Khair, inshallah. Donc, toi tu le dis comme Allah Azza wa Jalla s'est décrit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, d'accord ? Et que tu dois croire en cela, c'est obligatoire. Mais il est interdit de rechercher sur le kayfiyya, sur le comment. D'accord ? Tu ne dis pas comment Allah Azza wa Jalla vient le jour de la résurrection, comment il est élevé. Ou bien tu dis comment est Allah. D'accord ? Tout ça c'est interdit. Tu décris comme Allah Azza wa Jal c'est décrit. Et vous vous en souvenez de ce athar de Abdurrahman ibn Mahdi qui a trouvé un jeune qui était dans l'égarement, mais dans un égarement évident. Il était en train de se dire « Kayf Allah, comment est Allah, comment est Allah, comment est Allah ?» D'accord ? Donc il lui a dit « Écoute, je vais te poser une question. » Avant de savoir comment est Allah, on va essayer déjà de savoir comment sont les créatures. Si on comprend comment sont les créatures, Alors, déjà, il faut déjà qu'on commence à comprendre comment sont les créatures. D'accord ? Donc, il lui dit, Allah Azza wa Jal nous informe que les anges, certains anges ont deux ailes, d'autres trois ailes, d'autres quatre ailes. D'accord ? Il lui a dit, imaginons c'est les anges qui ont deux ailes. On imagine une aile à droite, une aile à gauche. Les anges qui ont trois ailes, imaginons une aile à droite et une aile à gauche. Dis-moi, où se place la troisième aile et comment elle fonctionne ? Donc là, le jeune, il a eu un blocage de cerveau, là. Il ne savait pas quoi répondre. Et donc, dès qu'il a compris que déjà, on n'arrive même pas à savoir comment sont les créatures, qu'est-ce que tu vas chercher pour savoir comment est le créateur ? D'accord ? Subhanallah. On parle du cerveau, des milliards de connexions dans le cerveau. Subhanallah. Et ils ne connaissent qu'une petite partie, qu'une petite portion du cerveau, subhanallah. Un petit pourcentage plutôt, du cerveau. Donc, tu le dis comme l'imam Malik, rahimallah, a dit. L'istiwa ma'loum, l'élévation d'Allah est connue. Wal kayf majhoul, le comment, on ne sait pas. Wal iman bihi wajib, et croire en cela est obligatoire. D'accord ? Et croire en cela est obligatoire. هكذا نعرف ربنا ونعبده عبادة خالصة لا نشرك به شيئا. C'est comme ça qu'on connaît Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'on connaît notre Seigneur et qu'on l'adore avec une adoration sincère. لا نشرك به شيئا. On ne lui associe rien. فعبادة الله لا تتم إلا في دوام جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il dit le Cheikh رحمه الله. Parce que l'adoration à Allah, que tu fais sincère pour Allah Azza wa Jal, elle ne se fait, hein, qu'excepté, illa fi dawa ma ja'a bihi Rasulullah, excepté dans ce qui est dans ce qui est venu avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'adores qu'Allah qu'avec ce qui est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لا تعبد الله بالهوى وبالاجتهاد وبآراء الرجال. Tu n'adores pas Allah avec tes passions. Voilà, tu penses, oh, je pense que c'est bien. Je pense que c'est comme عندك des soufis, hein. Il reste à sauter pendant je sais pas combien de temps. Et il pense, après qu'il sue et tout cela, il pense, on sent que vraiment on est ensemble. On fait Allah, Allah, Allah. Tu sais, ça fait tous ensemble en cœur. Allah, tu te dis, tu sens comme ça, tu sens que... Et ça c'est, subhanallah, tu t'en rends compte que là c'est le shaitan. Tu t'en rends compte que c'est le shaitan qui leur fait croire que c'est bien. Est-ce que vous vous rappelez d'un athar que je vous avais mentionné? Sur quelqu'un qui croit qu'il y a un bien dans cela, alors qu'en fait c'est le shaitan qui lui faisait croire que c'était un bien. C'est le affar de... L'histoire de la dame qui était... qui était voir le juif, enfin, par rapport au juif, Barakallahu fik, de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il avait une de ses femmes qui allait voir un juif. Mashallah, alhamdoulilah. Pas une autre fois. Non, mashallah, une autre fois maintenant. Non, c'est vrai, ça revient direct. Alhamdoulilah. Le frère Fahmi, mashallah. Donc, il dit... dans le athar dans Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il avait une de ses femmes qui avait une douleur au niveau de l'œil et elle allait voir un juif pour qu'il lui récite des choses. À chaque fois qu'elle allait voir ce juif là, elle sentait que elle avait plus ce mal là. Et donc elle a mentionné cela à son mari Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu et il l'a réprimandé sur cela. Et donc elle a regretté, elle s'est repentie. Il lui a dit, c'est un shaitan qui te faisait cette douleur-là au niveau de ton œil pour que tu ailles voir ce juif et qu'il arrêtait de te faire cette douleur-là lorsque tu allais le voir. Et elle a croyé que c'est de par la récitation de ce kefir que ça s'enlevait la douleur. Tu vois? Donc on peut croire qu'une chose est bien. Maintenant, si on veut savoir si elle est bien... Est-ce qu'elle est en conformité avec la sharia d'Allah? Est-ce que c'était une imagination dans sa tête à cette fois? Non, c'est pas une imagination. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu avait dit c'est un diable qui te faisait cette douleur-là au niveau de l'œil. Donc elle avait une douleur. Et il arrêtait de lui faire cette douleur-là lorsqu'elle allait voir ce juif et qu'il récitait sur. Donc à chaque fois qu'elle y allait, lui, il arrêtait de lui faire ressentir cette douleur-là. D'accord? Et donc il lui a dit, c'est un diable qui te fait ressentir cela, que tu ressens cela, qui te fait ce mal-là, là, qui te fait ressentir cette douleur-là, pour que tu ailles voir ce juif-là. Et lorsque tu ailles voir ce juif-là, il arrêtait cette douleur-là. Donc, c'est pas parce que tu crois que, par exemple, eh bien, il y a un bien. Non. Le but ne justifie pas les moyens. D'accord? Al-ghaya la tubarrir al-wasila. Ça, c'est une qaïda que les ikhwan n'appliquent pas. Ikhwan muslimin, لا يطبقون هذه القاعدة فعندهم الغاية تبرر الوسيلة سبحان الله. Ils disent que le but justifie les moyens. Et le but justifie les moyens, c'est la règle d'un kafir qui s'appelle Machiavel dans l'art de la guerre. سبحان الله. La référence des ikhwan, c'est un kafir qui est Machiavel. Machiavel, lui, qui a son livre qui s'appelle l'art de la guerre. Il a cette règle-là, le but justifie les moyens. Donc c'est-à-dire que tu as un but qui est noble, peu importe que le moyen que tu utilises. L'essentiel, c'est que tu atteins ce but-là. Et ça, c'est haram en islam. C'est interdit. Tu vois? Al-ghaya la tubarrir al-wasila. Le but ne justifie pas les moyens. Donc toi, si tu veux faire quelque chose, tu as un but qui est bon, qui est permis, l'wasila, le moyen que tu utilises, doit être légiféré. Le but doit être légiféré, le moyen que tu utilises, ça doit être légiféré. On parlait du groupe égaré de Jama'at al-Tabligh. Le but, c'est faire la da'wah. D'accord? C'est un but qui est noble. Toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est jihad et da'wah. Fi sabilillah. Maintenant, c'est le moyen qui est utilisé. Il doit être un moyen qui est légiféré. Est-ce que le moyen qu'ils utilisent, c'est légiféré? La réponse est non. Parce que pour faire la da'wah, il faut avoir de la science. Et puis, faire des bed'a, ce n'est pas légiféré. Tu ne fais pas une bed'a, tu ne dis pas aux gens de sortir 3 jours, 40 jours, 4 mois, avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec les textes du Coran. Et puis, tu penses que c'est un bien. Non. Tu fais 4 mois avec Jama'at al-Tabligh, il faut que tu saches que tu as perdu 4 mois de ta vie. A'oudou billah. Tu sors un jour avec Jama'at al-Tabligh, tu as perdu un jour de ta vie. Pourquoi? Les gens, ils disent, mais attends, on mange bien avec eux. Oui, tu manges bien peut-être, ça c'est clair. Mais, subhanallah, en faisant cette bid'a-là, tu fais un énorme mal. Parce que tu veux dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'il y avait un bien de faire cette manière de da'wah. Que tu sors un jour et que des ignorants font la da'wah à des ignorants, subhanallah. Tous les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des savants. Personne ne peut atteindre leur niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait parmi les savants des sahabas. Il ne disait pas, allez, sortez. 40 jours, voilà, sortez. Qui me ramène, subhanallah, une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari, a envoyé Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, seul au Yémen. Et il lui a dit, comment il fait la da'wah? Déjà, tu vas rencontrer des gens du livre. Premier point, tu dois savoir déjà à qui tu t'adresses. La première chose que tu les invites, an yuwahidu Allah, wa la yushirku bihi shay'a. Qu'ils unifient Allah dans leur adoration, qu'ils n'associent rien. S'ils acceptent de toi, eh bien, dis-leur qu'Allah a imposé la salat. S'ils acceptent de toi, alors dis-leur que Allah Azza wa Jal a imposé la zakat, la salat donc, de jour et de nuit. La zakat, l'argent qui est pris aux riches, qui est donné aux pauvres. S'ils acceptent de toi, alors dis-leur de craindre l'invocation de celui qui a été opprimé, car entre elle et Allah, il n'y a pas de voile. Donc, la tariqa de la da'wah, elle est claire. Femni. Donc, al-ghaya la tubarrir al-wasila. Donc, c'est pas parce que, par exemple, Donc le but ne justifie pas les moyens. T'as un but qui est légiféré, ton moyen que tu fais doit être légiféré. Faire que les musulmans ont l'honneur, ont la fierté et l'honneur, c'est un but noble. D'accord ? Moyen utilisé ? Faire des manifestations pour redemander les droits. Ça, c'est haram. Tu vois ? Al-Mudaharat, c'est haram. La première manifestation qui... Les ulama ont dit la première manifestation qui s'est déroulée en islam a abouti au meurtre de Othman ibn Affan. Ils lui ont tranché la tête. Radiyallahu anhu. Subhanallah. Les manifestations sont haram. Donc, tu ne peux pas dire, non, mais c'est pour nos droits, c'est pour nos... Ehi, tu veux la fierté? Tu veux l'izza? Hein? Crains Allah comme il se doit. Éduque-toi dans le dîn. Réforme-toi. Réforme ton micro-environnement, ta famille, ta demeure. Et alors, si tu te repens et tu te réformes, Allah Azza wa Jal t'élèvera en degré et te donnera la fierté. Celui qu'Allah humilie, personne ne peut l'honorer. D'accord ? Donc, barakallahu fikum. On adore Allah Azza wa Jal avec la législation avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ta'bad Allah bil hawa, wa bil ijtihad, wa bi ara al rijal. ولكن باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يتم الإيمان بالله تعالى. C'est comme ça que se fait la foi en Allah Azza wa Jal. D'accord ? C'est que tu adores Allah, une adoration sincère, tu ne voues que tout acte d'adoration qu'à Allah seul. Mais comment tu l'adores ? Tu l'adores comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a montré, l'a enseigné et l'a transmis d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça donc que tu as cette foi-là. ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. Puis la foi en Allah sur le fait qu'il est unique dans ses noms et ses attributs. D'accord ? الإيمان بقضائه وقدره كما سيأتي. Puis la foi. Puis la foi au décret d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Puis la foi au décret d'Allah Azza wa Jal. Donc, tu as la foi en Allah, on va le voir dans le détail, hein, l'Iman Billah, la foi en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et que tu crois donc, tu as la foi sur le décret d'Allah Azza wa Jal, comme nous allons le voir, comme dit le shir. Wal iman bi rasulillahi alayhi salat wa salam. أن تصدقه في رسالته وفي كل ما أخبر وأن تعبد الله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعبده من عند نفسك ولا تقدم آراء الرجال على سنته عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما يجب الإيمان به. La croyance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, on va le voir dans le détail, hein, avec les explications de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin. Ça va être très détaillé. Et c'est peut-être que la semaine prochaine qu'on verra ça, Inch'Allah. Donc il dit que la croyance au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois au message de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois à son message. Tu crois à tout ce qu'il a informé. D'accord ? Et que tu adores Allah comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu crois à son message, à tout ce qu'il a informé et que tu adores Allah azza wa jal avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis de son Seigneur, d'Allah azza wa jal. Et que tu ne l'adores pas, hein, de ce que toi tu penses être bon, d'accord ? Tu l'adores pas de ce que toi tu penses être bon. Est-ce que ça, c'est clair ce point-là ? Et tu l'adores pas comme... C'est-à-dire que, c'est pas par exemple comme je disais tout à l'heure, hein. C'est pas tu penses que quelque chose est bien, ça veut dire qu'elle l'est. On sait si une chose est bien, si elle est conforme au Coran et à la Sunna. Il se peut que tu penses qu'une chose est bien, mais en fait c'est un mal. Faire une innovation, tout à l'heure je parlais des innovations, tu perds un jour en sortant avec Jamaat et Tablir, parce que tu accuses le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le message, comme l'imam Malik rahimallah a dit. Parce que tu fais une chose qu'il n'a pas fait. Justement, le problème dans tout ça, c'est que parmi ces gens-là, comme je l'ai été, on était ignorants, on ne savait pas, on pensait bien faire. Et là, le piège, c'est l'établir, il se sert de ça aussi, tu vois. Oui, mais c'est pour ça qu'ils font fuir les gens de la science. Ouais. Parce que le problème, c'est que si tu vas commencer à t'éduquer dans la religion d'Allah, azzawajal, tu vas commencer à savoir le vrai du faux. Mmh. Et tu vas commencer à questionner. Et tu vas commencer à dire, mais attendez, Allah il dit, le professeur Hassan il dit, oh, attends, lui, il veut nous faire des problèmes, lui. Ouais. Donc tu vois, donc ils veulent écarter les gens de la science et des assises de science. Ils te disent, sors avec Jama'at et Tablir et le ilm va te descendre, subhanallah, comme un ruisseau dans ta tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah. Donc tu n'adores pas Allah Azzawajal de ta propre personne, comme toi tu penses que c'est bien. Tu ne l'adores pas avec... Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu n'adores pas Allah Azzawajal avec les opinions des hommes. Que un tel y pense comme ça, que c'est bien de faire cela. Tu n'adores pas Allah Azza wa Jalla comme cela. D'accord? Et que tu ne devances pas les opinions des hommes sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le verra dans le détail, c'est pas par exemple tu dis à quelqu'un, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et toi tu dis, oui mais l'imam Shafi'i a dit cela. Subhanallah, akhi. Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il te dit l'imam Shafi'i. Tu ne dois pas devancer, peu importe, même si c'est un très grand savant, comme l'imam Shafi'i, tu ne devances pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'opinion, que ce soit l'imam Shafi'i, ou l'imam Malik, ou l'imam Ahmed, ou la Cheikh l'Islam, tu ne devances pas l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'opinion d'un homme, peu importe s'il est savant, voilà, d'accord? Voilà, et cette information-là, tu l'as comment? Ben avec la science. C'est pour ça que la science devance la parole et l'action. Ça sort de l'ignorance. Tu veux prier. Tu veux prier, comment tu fais? C'est pas tu te dis, ben, je vais faire comme ils font. Alors si tu rentres dans une mosquée, ce sont des chiars. Tu fais comment? Tu fais comme eux? Subhanallah. Non, c'est pas comme ça. Tu dois t'éduquer, tu dois savoir. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit cela, a dit cela, a dit cela. Alhamdoulilah, au moins, tu adores Allah avec clairvoyance. Tu vois? Tu sais, pourquoi tu fais cela? Tu te tiens sur une preuve. Si quelqu'un te dit pourquoi tu fais cela, et c'est ça qui différencie les gens de la sunna, des gens de la bid'a. Les gens de la sunna, pourquoi il fait cela? Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent. Les gens de la bid'a, pourquoi tu fais cela? Il n'y a pas de mal, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de mal, c'est bien. Mais nous, on est ensemble. Subhanallah. Tu vois? Pourquoi tu dis cela? Les gens de la sunna, Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent. Pourquoi tu dis cela? Hey, Ibn Arabi qui a dit cela. Attends, c'est un savant. Hey, tu vas commencer à parler mal sur les savants, toi. Subhanallah. Yani, vous voyez? Lorsqu'on fait quelque chose, on doit se tenir sur une preuve. Tu adores Allah Azza wa Jalla? Pourquoi tu poses tes mains sur ta poitrine durant la salat? Deux hadiths sahih. Voilà ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te tiens sur une preuve. Alors, là maintenant, toi tu lui dis, pourquoi tu laisses tes bras le long du corps? Je suis maliki. C'est pas une preuve ça, t'es maliki, subhanallah. D'accord? On voit la différence? Et en plus, c'est même pas le madhab de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik dans ce mois, t'as deux hadiths sahih. Ou est-ce que le titre du chapitre, il dit, c'est écrit Bab wada' al-yad al-yumna 'ala dhira'i al-yusra fi as-salat. Le chapitre de poser la main droite sur le bras gauche durant la prière. Il se sert des équivoques justement dans le fait de tout ça, de mettre les bras sur le long du corps, à travers justement, vous avez vu, enfin, parce qu'il était malade, je ne sais plus si c'est l'imam Malik ou. Il y a des récits qui sont rapportés sur cela qui aurait été châtié par le gouverneur au niveau de ses bras, si bien qu'il ne pouvait plus lever. Voilà. Il a rapporté quoi? Admettons que ça c'est rapporté authentiquement, admettons. Donc Lui, qu'est-ce qu'il a dit clairement dans son Muwatta, dans son livre? Il a rapporté les hadiths qui sont clairement sur cela. Ensuite, le fait qu'il n'a pas pu le lever, c'est qu'il y a Eri. Alors toi, Eri, dès que tu as un plâtre au niveau de la jambe, tu ne peux pas prier en faisant le soujoud. Tu ne peux pas, d'accord? Donc est-ce que ça veut dire que maintenant tu vas rester à prier assis toute ta vie alors que tu as les moyens de faire le soujoud? Non, ce n'est pas une preuve, ça. D'accord? Ou bien que les gens vont faire comme toi. Voilà, les gens ils vont faire comme toi. Et parfois, il y en a même, Eri. Il y a dans des mosquées, ils mettent des bancs à l'arrière. Il y en a, ils sont en bonne santé, ils peuvent faire le soujoud, le rukou'a. Et ils vont s'asseoir sur des bancs, voilà, sur des chaises, alors qu'ils n'ont aucune excuse. D'accord? Il est permis de faire une salette surérogatoire, assis, la récompense sera diminuée. Mais c'est permis, c'est surérogatoire. La récompense sera diminuée. Par contre, l'obligatoire, lorsque tu as les capacités, parmi les piliers de la prière, c'est la station debout. D'accord? Et qu'ensuite, il y a le recours, il y a la prosternation, d'accord? C'est pas, tu vas t'asseoir sur un banc alors que tu as les moyens. Et tu veux même pas poser ton front sur... Subhanallah. Donc, barakallahu fikum. Donc, c'est pour cela que, c'est comme tu disais, Khiramzi, barakallahu fik, c'est que certes, tu dois savoir, tu dois chercher, tu dois connaître. D'accord? C'est pour ça que la science parle avant, passe avant la parole et l'action. Donc, tu ne devances pas les opinions des gens sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui suit des obligations de la foi qu'on doit avoir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو الإيمان. ولكن إذا ذكر الإيمان وحده. Donc là, c'est un point intéressant qu'on va détailler avec le cheikh Salih al-Sheikh. Salah al-Sheikh Hafidhullah par la suite. Donc il dit le Cheikh Mohammed Ibn Jami rahimahullah, il dit ولكن إذا ذكر الإيمان وحده كما في قصة وفد عبد القيس ذكر الإيمان وحده وفسر بأعمال الجوارح. Donc là, ce point là il faut le noter, ça, pour qu'on comprenne bien ici. Vous vous en souvenez, au début on avait dit l'islam qui regroupe beaucoup de, d'accord, beaucoup de monde. Puis, l'Iman, donc dans l'islam, d'accord, là il y a tous les musulmans là, d'accord. Puis, ça se rétrécit, l'Iman, puis ça se rétrécit, l'Ihsan. Il y a moins de personnes qui sont à ce niveau-là. Donc on a bien mentionné que il y a l'islam, iman ou ihsan. Ici le shaykh, pour qu'on comprenne bien, il dit lorsque l'iman, idha dhukira l'iman wahdahu, lorsque vous lisez dans un hadith, d'accord, vous lisez par exemple dans une des narrations, que ce soit dans une ayah ou là, dans un hadith, que la foi, l'iman, est mentionnée seule, ça veut dire qu'il n'est pas mentionné avec l'islam. Dans le hadith ici de Jibril, il y a mentionné islam, iman, ihsan, d'accord? Donc là, ce qu'il y a, c'est que lorsque l'iman est mentionné seul, comme dans l'histoire de Wafd Abd al-Qais, dans ce athar-là, dhukira l'iman wahdahu, ça a été mentionné, l'iman qui a été mentionné seul, d'accord? وَفُسِّرَ بِأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ, ça a été expliqué comme étant les œuvres des membres. Donc l'iman, lorsqu'il est mentionné seul, comme dans ce qui est mentionné ici dans la narration de Wafd Abd al-Qais, il dit que l'iman a été mentionné seul, et ça correspond aux œuvres des membres. D'accord? Donc premier point, on voit qu'ici, l'iman ici est mentionné, dans cette narration-là, c'est les œuvres des membres. Je vous dis, il faut noter parce que faut pas que ça s'embrouille. Il faut que ce soit bien clair. Tout d'abord, œuvres des membres, l'iman. La preuve, c'est ce qui est mentionné. دعاهم أن يؤمنوا بالله فقال لهم. Donc il les a invités à croire en Allah. Il les a invités à croire en Allah. Qu'est-ce qu'il leur a dit? هل تدرون ما الإيمان بالله؟ Est-ce que vous savez ce qu'est la foi en Allah? Donc là, c'est bien l'iman qui est mentionné, c'est la foi. il a écrit le hadith. Il a dit quoi? An tu'minu billahi wa bi rasulihi. Que vous croyez en Allah, en son envoyé. Et puis il a cité, et jusqu'à ce qu'il dise, an qala wa an tu'addu khums ma ghanimtum. Et que vous donnez le cinquième de. Nam? De ce que vous avez gagné, yani de, du butin là, que vous avez eu. Que vous donnez le cinquième. Que vous donnez le cinquième. D'accord? Donc, est-ce qu'on arrive à voir qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce affaire là? La preuve, c'est l'invitation à Allah, croire en Allah et en son envoyé. Là, lorsque l'imen est mentionné seul, imen mentionné seul. Ça correspond aux œuvres et aux membres, des membres. Barakallahu fik. C'est expliqué comme étant les œuvres des membres. D'accord? Et la preuve, c'est ce que tu viens de citer. Là. Exactement, parce qu'il leur a dit Wafd Abd al-Qais, lorsqu'il leur a dit savez-vous ce qu'est la foi en Allah, il leur a dit que vous croyez en Allah, que vous croyez en son envoyé, et jusqu'à ce qu'ils disent et que vous donnez le cinquième de ce que vous avez. Il y en a eu en butin. هذا محل الشاهد من الحديث جعل أداء الخمس من الإيمان. Donc le fait que tu donnes le cinquième de ce que tu as eu, il l'a catégorisé comme faisant partie de la foi. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? En fait, la preuve, c'est la foi en fait. Ça fait partie de la foi tout ça. Là, c'est voilà, ce qui est important de mentionner, c'est différent. Lorsque l'imen est mentionné dans la même narration avec l'islam, d'accord, ce sont deux significations différentes. Et lorsque l'imen est mentionné seul, ça a une autre signification. D'accord. Lorsqu'il est mentionné seul, eh bien, c'est expliqué comme ce sont les œuvres des membres. D'accord. Amel Jawar. Non. Les membres, c'est-à-dire que tu donnes que des membres, il y a ni le membre, les actions, les œuvres que tu fais, d'accord? Des œuvres que tu fais, parce que tu as des œuvres qui sont il y a ni à l'intérieur, d'accord? Et tu as des œuvres qui sont apparentes, comme la prière, d'accord? Comme la prière, comme et là le fait, non? Avec les membres du corps, non? Là le fait que tu donnes. C'est les actes, c'est pas les membres. Les actes, voilà. Baraklofik. Avec les actes, d'accord? Les actes des membres. Les actes des membres, Baraklofik. Donc, là que tu donnes le cinquième de ce que tu as gagné, ça fait rentrer dans la foi en Allah. D'accord? Donc, lorsqu'il est mentionné seul, l'iman, les œuvres des membres. La preuve, ce qui est mentionné ici, dans ce hadith. Ja'ala ada al-khumus min al-iman. Le fait que tu donnes le cinquième fait partie de la foi. Wa fi hadith, shu'ab al-iman. Et là, on voit dans un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le hadith des branches de la foi. D'accord? قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. La foi a il y a deux narrations sur cela. Dans une narration il y a ستون, il y en a une autre il y a سبعون. Il y a une narration qui mentionne la foi a 60 et quelques branches, et dans une autre narration la foi a 70 et quelques branches. Donc il y a les deux. Et là, ce que mentionne le Cheikh Mohamed Amel-Jami, rahimallah, il mentionne la narration, est-ce que c'est 60 et quelques branches. Donc il dit, la foi a 60 et quelques branches. A'laha qawlu la ilaha illallah. Le plus haut niveau de la foi, c'est la ilaha illallah. Nul dit. Ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Giovanni. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il n'y a pas de divinité qui est en droit d'être adorée en dehors d'Allah. En toute vérité. Barakallahu fik, en toute vérité. En toute vérité, il ne faut jamais l'oublier. Mais Allah al-Musta'an, je voyais encore un livre qu'un frère m'avait transmis d'une traduction, mais en toute vérité n'est pas mentionné. Et ça, on le verra. L'importance que ça a. Et ça, c'est Allah al-Musta'an. Donc la plus haute, hein, c'est ça, de la branche. Le plus haut, donc le plus haut, la plus haute branche de la foi, c'est « Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. » C'est « La ilaha illallah. » « Wa adnaha Imatat al-adha 'an at-tariq. Et le plus bas, c'est d'enlever ce qui gêne du chemin. On arrive bien à voir là ? Mais il faut noter vraiment. Là, qu'est-ce qu'il faut noter ? Il faut noter que l'imène, lorsqu'il est mentionné seul, ça correspond aux actes des membres. Premier point. Deuxième point, ceci est prouvé par, dans le hadith de Wafd Abd al-Qais, qui a mentionné, savez-vous ce qu'est la foi en Allah ? Il leur a dit, c'est que vous croyez en Allah, à son envoyé, jusqu'à la fin du hadith, et il dit à la fin, et que vous donniez le cinquième de ce que vous avez eu, gagné. Ben ça, ce sont les actes des mots. Deuxième hadith, dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, la foi à 70 ou 60 et quelques branches. 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches. Il dit, le plus haut, c'est nulle divinité, c'est la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et le plus bas, c'est d'enlever, de retirer ce qui gêne du trajet. D'accord ? Donc il dit le shir, A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatat al-adha 'an at-tariq wa al-haya shu'ba min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi. Dans ce hadith, d'accord ? وردت نصوص في الكتاب والسنة تدل على أن أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل اجتناب ما حرم الله من الإيمان. Donc il dit, il y a des, ça a été rapporté des textes dans le livre et la sunna, ça veut dire dans le Coran et la sunna, qui prouvent. Donc ça c'est un autre point important, ça. D'accord ? Il dit le Cheikh Mohammed Amel Jami, rahimahullah, il dit qu'il y a des textes dans le Coran et la sunna qui prouvent que les œuvres, les actes des membres, tels que la prière, la zakat, le jihad, ordonner le convenable, interdire le blâmable, mais éviter ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, eh bien cela fait partie de la foi. C'est pour cela. Donc là, on est toujours sur le point que lorsque vous lisez dans le hadith ou dans les textes, que ce soit le Coran, la sunna, lorsque vous lisez que l'iman est mentionné tout seul, d'accord ? C'est pas par exemple dans le même texte vous avez l'iman et l'islam. Là vous avez juste l'iman. Iman seul, ça réfère aux actes des membres. On a vu les deux preuves précédentes. Et là il dit, il y a des textes du Coran et de la Sunna qui prouvent que la salate, la zakat, le jihad, ordonner le convenable, interdire le blâmable, éviter ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, tout ça fait partie de l'iman, de la foi. D'accord ? Donc, lorsqu'on lit le hadith de Jibril, qu'est-ce qui est dans l'islam, c'est quoi ? C'est que tu dises la ilaha illallah, la salat, la zakat, le siyam et le hajj. Ça, c'est lorsque, dans le hadith, Islam est mentionné avec Iman. D'accord ? Parce que l'Iman, c'est quoi ? C'est que tu crois en Allah. Dans le hadith, lorsque vous avez Iman et Islam. Iman, lorsqu'il est mentionné avec Islam, Iman, c'est quoi ? Que tu crois en Allah. À tous les livres qu'il a révélés. À tous les anges. À tous les messagers. Tu crois au destin, bon ou mauvais, mais qui provient d'Allah, et que tu crois au jour dernier. Les deux mots, en fait, ce qu'on a parlé une fois, je crois, c'est l'ajtama. Ben justement, ça c'est. Voilà, oui, c'est ce que vont détailler les chers. Voilà, Kallofik, c'est exactement ça. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on comprend bien, on comprend bien en fait que tout d'abord, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, ils ont des sens qui sont différents. D'accord ? Ça, c'est l'idée de la mara par la fin. Exactement, voilà, c'est ça. Lorsqu'ils sont réunis, dans la même narration, Islam et Iman, lorsqu'ils sont réunis, ça a des sens différents. Oui, mais là pour l'instant, est au premier sens, c'est-à-dire que... Non, mais c'est pour comprendre, c'est pour comprendre le... Donc là, le point là, qu'on note là, lorsque Iman et Islam sont réunis dans une même narration, ça a des sens différents. Et lorsqu'ils sont réunis, et lorsqu'ils sont mentionnés seuls, d'accord ? Ça mentionne, bah on le verra dans, parce que je ne veux pas précéder la parole du cheikh, c'est pour ça là. C'est pour ça, mais j'essaie de clarifier, Inch'Allah. Ça mentionne la religion dans sa totalité, d'accord ? C'est vrai que c'est une bonne technique, c'est un bon point pour à chaque fois se. Lorsque tu vois là. Exactement, barakallahu. Barakallahu fik. Une fois que tu auras dans une narration l'islam et l'iman, tu sais qu'ils auront des sens différents. Exactement. Une fois que tu les auras seuls, tu sais. Systématiquement que ça réunit. Barakallahu fi. Voilà. Donc lorsque l'Iman et l'Islam, ils sont mentionnés dans une narration, comme dans le hadith de Jibril. D'accord ? Iman et Islam, ça a des sens différents. Lorsque l'Iman est mentionné seul, on se rend compte que l'Iman implique... C'est quoi ? Ce sont les actes des membres. Et ce ne sont plus ce que l'on trouve dans le hadith de Jibril. Mentionnés ensemble, Iman et Islam, ça a des significations différentes. Lorsqu'ils sont mentionnés seuls, ça veut dire Iman seul dans une narration, d'accord, ou dans un texte, d'accord ? Eh bien, ça veut dire la religion dans sa totalité. Islam seul, pareil, ça veut dire la religion dans sa totalité. D'accord ? Ils se mettent à avoir le même sens, en fait. D'accord ? Lorsqu'ils sont mentionnés seuls, lorsque Islam est mentionné seul, lorsque Iman est mentionné seul, eh bien, ça veut dire la religion dans sa totalité. Lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, ça veut dire deux choses différentes. Et quand tu as dit qui c'est qui a bien compris, là, ce point-là ? Vas-y, explique-nous, Tchad. Lorsque l'iman est rapporté dans un récit seul, donc c'est l'action globale des membres, donc l'action globale l'acte des membres, non. Et lorsqu'il est rapporté dans un récit à côté de l'islam, il y a une distinction entre l'islam et l'iman. Donc l'islam qui regroupe l'ensemble des actes, donc qui se réfère à l'iman lorsqu'il est seul, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et lorsque l'iman est avec l'islam, donc l'iman c'est ce qu'on a dit, croire en Allah, croire au messager, au livre, etc. Donc en fait, ce qu'il y a, le mieux c'est que je continue la parole parce que pour bien clarifier. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que l'islam, qui veut dire la globalité, ça c'est lorsqu'il est mentionné seul, qui veut dire la religion dans sa totalité. Mais lorsqu'il est mentionné avec l'Iman, l'islam, le mot islam, qui est mentionné avec l'Iman, eh bien l'islam qui est dans la religion, dans la totalité, et l'islam qui est mentionné avec l'Iman, ça a deux sens différents. D'accord ? Par contre, j'aimerais bien que tu reviennes, s'il te plaît, au deuxième point. Alors dès qu'on trouve des textes dans le Coran et dans la Sunna. Barakallahu fik, voilà. Comme ça, on revient sur ce sujet-là, barakallahu fik. Donc il y a des textes dans le Coran et la Sunna qui prouvent que fait partie des actes des membres que pardon. Donc il dit le cheikh waradat nusus fil kitab wa sunna tadullu anna anna a'mal al-jawarih kas-salat. Donc il dit le cheikh qu'il y a des textes dans le Coran et la Sunna, d'accord, qui prouvent que les actes des membres tels que la prière sont des actes des membres, d'accord ? La zakat que tu donnes, d'accord ? Jihad, le combat dans le sentier d'Allah. Al-amr bil ma'ruf, ordonner le convenable. Wa an-nahy 'anil munkar, interdire le blâmable. D'accord ? Bal ijtinab ma harrama Allah min al-iman. Mais s'écarter de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit, c'est, les textes prouvent que ça, ça fait partie de la foi. D'accord ? لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fornicateur ne commet pas l'acte de la fornication alors qu'il est croyant. Le fornicateur ne commet pas l'acte de la fornication alors qu'il est croyant. D'accord ? Je vais te dire le point. Pourquoi ? C'est ce qui va nous, c'est ce qui va différencier les gens de la sunna des khawarij. Ce point-là, c'est pour ça que c'est très important de bien maîtriser ici, là, Inch'Allah. Donc c'est un troisième point. Oui, Inch'Allah. Pour en fait, yani. Et d'armes, yani, comment, c'est quoi le... renforcer en fait ce qui est avant. Le prophète sallam a dit, le fornicateur ne commet pas la fornication alors qu'il est croyant. Et il ne vole pas pendant qu'il est en train de voler là, alors qu'il est croyant. Donc il ne commet pas l'acte de la fornication alors qu'il est croyant, et il ne vole pas alors qu'il est croyant. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الى اخر الحديث. Et il ne boit pas le vin, l'alcool, alors qu'il est croyant. Différencie bien le musulman du croyant. Justement, attendez, inchallah. En fait, t'as dit la fornication ne commet pas l'acte en étant croyant. Le croyant, d'accord ? Ouais, je comprends plus rien. Ah, justement, attends. Là, c'est... Le croyant. Le croyant. Non, attends. Là, faut bien comprendre ici. Parce que c'est ce qui. Yani, c'est... Non, mais il n'y a pas de problème. On y va doucement, Inch'Allah. Je débute. Vous êtes loin de moi, les gars. Je débute. Alors, on y va, Inch'Allah. Allez, c'est parti. Le croyant. Le prophète Sarsel m'a dit, le croyant ne fornique pas. Il n'est pas en train de faire commettre cet acte de fornication alors qu'il est croyant. Parce que les khawarij, ils font le takfir de celui qui commet une des kabair, qui commet un péché majeur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris le hadith. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne commet pas la fornication alors qu'il est croyant. Le voleur ne vole pas alors qu'il est croyant. Donc eux, ils ont pris le sens littéral et ont dit, celui qui commet cela, ce n'est pas un croyant, c'est donc un kafir. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un raccourci. Et ça, c'est dû à leur ignorance. Et alors, il est quoi ? Justement, on va le voir tout de suite, Inch'Allah. C'est juste pour suivre le cheminement des explications, pour pas... Ouais, dire al basa, tu vois ce que je veux dire, mélanger tout. Parce qu'il y a déjà plein de points, c'est pour ça. Et il ne boit pas, il consomme pas l'alcool et le vin, alors qu'il le consomme en étant croyant. D'accord ? Jusqu'à la fin du hadith. Ey, tark shurb al-khamr, wa tark al-sariqa, wa tark irtikab al-muharramat min al-iman. Fait partie de la foi le fait de délaisser la consommation de vin et d'alcool. Fait partie de la foi le fait de délaisser le vol. Fait partie de la foi le fait de délaisser les interdits, la fornication et tout cela. D'accord ? لذلك نفى عن من ارتكب ذلك الايمان اي الايمان الكامل. Ça, c'est très important, ça, à maîtriser. Barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invalidé la foi de celui qui commet ces péchés-là, mais ce n'est pas la base de la foi. Il dit نفع من ارتكب ذلك الإيمان أي الإيمان الكامل لا أصل الإيمان. Ce n'est pas la base de la foi qui est invalide, qui est annulée, mais ça a diminué en termes de perfection de la foi. D'accord ? Donc celui qui commet les grands péchés, tels que zina ou bien sariqa, le vol ou la fornication, ou bien la consommation de vin et d'alcool, eh bien, il diminue en perfection de foi. Mais ça n'invalide pas le... sa foi. Ça n'invalide pas la foi. Ça veut dire qu'il ne devait pas... Pourquoi ? Il va expliquer pourquoi. Il dit... النفي هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. Il dit... Ce qui est invalide, c'est la perfection qui est invalidée. C'est la perfection de la foi qui est invalidée et non pas la base de la foi, ça veut dire la totalité de la foi. Mais c'est kabir quand même. Mais ça fait pas... Bien sûr, c'est des kabir. Donc celui qui commet les kabir... Mais c'est quand même l'extrême. Mais ça ne sort pas de l'islam. Ça ne l'exclut pas de l'islam. Pourquoi ? Parce que ça n'enlève pas la base de l'imam, ça veut dire qu'il est toujours croyant, mais il a invalidé non pas sa croyance... Mais il a invalidé la perfection de sa foi. La foi complète. D'accord ? Ça veut dire qu'il a diminué en termes de foi. La preuve, c'est que... On ne pardonne pas que le chef. Donc, qu'on fasse des grands péchés, on est pardonné. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru ayushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah, dans sourate Nisa, Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. » Ça, il ne le pardonne pas. Il ne pardonne pas à qui ? À celui qui meurt sur le shirk sans s'en être repenti. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui commet du shirk pendant qu'il est vivant et tu lui dis qu'Allah ne te pardonne pas. C'est pas correct. Parce que il a encore l'opportunité de se repentir. Celui dont Allah ne pardonne pas, mais bien sûr Allah n'accepte aucune œuvre de cet individu qui commet cela. D'accord ? Celui dont Allah ne pardonne pas, c'est qu'il est mort sans taouba sur le shirk. D'accord ? Sans repentance. Mais tant qu'il est vivant, tu l'invites, tu lui dis, tu lui fais la nasiha, d'accord ? Tu lui montres le haq. Alhamdoulilah, s'il se repent, alhamdoulilah, d'accord ? Allah, il pardonne à celui qui revient repentant vers lui, d'accord ? Mais il faut se repentir avant de mourir. Donc, il commet les grands péchés et diminue en termes de foi. Il invalide quoi ? Il invalide, il annule la perfection de la foi. Donc c'est la perfection de la foi. Kamel l'iman. Kamel l'iman. Al-nafi huna li nafi al-kamal la li nafi al-asas. Donc c'est la perfection, c'est le kamel, c'est-à-dire que il invalide la perfection et non pas la foi en elle-même. Ça ne l'exclut pas de l'islam, on est d'accord ? Ça diminue la foi. Ben, ça diminue, voilà. لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام لمجرد شربه للخمر أو سرقته أو غير ذلك بالدليل أن الشريعة رتبت الحدود على من ارتكب هذه الموبقات والكبائر جعلت عليه حدود ولم يعامل شارب الخمر والزاني والسارق لم يعامل معاملة المرتد. Donc c'est clair. Donc il dit quoi ? Donc il dit, le shir, prouvant ainsi que, dans ce hadith-là, celui qui consomme le vin, qui fait le zina, qui vole, il a commis des péchés qui sont majeurs. Qu'est-ce qui est annulé ? C'est la perfection de la foi qui est annulée et non pas la foi en elle-même. Ça veut dire qu'il reste croyant. D'accord ? S'il meurt sur cela, on avait vu avec le verset de Sourate An-Nisa, Allah ne pardonne pas à qui, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut. Donc, celui qui meurt sur les kabaïr sans s'en être repenti, sur les péchés majeurs sans s'en être repenti, eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah... il lui pardonne de par sa miséricorde. Soit Allah le châtie de par sa justice. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Dans le fait de l'injustice, c'est celui qui va partir un moment en enfer et Allah le ressortira de cet enfer. Si Allah Azza wa Jal veut le punir de par sa justice, eh bien, il aura cet individu-là qui, donc Allah Azza wa Jal, ce musulman dont Allah Azza wa Jal veut le châtier de par sa justice, eh bien, ce musulman-là sera en enfer pour une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. Mais tant qu'il n'a pas commis l'associationnisme majeur, ça veut dire qu'il est resté musulman jusqu'à sa mort, eh bien, il, finalité, il entrera au paradis de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On est d'accord ? Donc, il dit clairement que, vous voyez, tout cela, ça diminue la foi, ça diminue, ce qui est invalidé, c'est la perfection et non pas la foi en elle-même. D'accord ? Il a dit pourquoi ? Parce que, donc, l'individu qui commet cela ne sort pas de l'islam par le simple fait qu'il boit du vin ou qu'il vole ou autre que cela. Pour preuve que la législation, la sharia d'Allah, eh bien, a établi les châtiments pour celui qui a commis ses péchés majeurs. D'accord ? Et que celui qui a commis ses péchés majeurs, vous lirez clairement dans le Coran qu'il y a des châtiments qui sont clairs. Eh bien, il aura tel châtiment, tel châtiment, tel châtiment pour celui qui a commis, qui a consommé de l'alcool ou celui qui a commis le zina. D'accord ? Mais ce n'est pas mentionné qu'il reçoit comme châtiment le châtiment de l'apostat, qui est le fait d'avoir la tête tranchée. D'accord ? L'apostat, le châtiment, c'est la tête qui est tranchée. Mais ça, c'est bien sûr, comme on a dit, hein, c'est le juge dans un pays musulman, d'accord, et qui donne ce jugement-là pour celui qui a décidé de rester dans son apostasie. D'accord ? Le châtiment, c'est quoi ? C'est la tête qui est tranchée. Et donc, vous voyez bien que dans les versets du Coran et de la Sunna, celui qui boit, qui donne là comme châtiment la tête tranchée de l'apostat. Mais il a soit les coups de fée ou soit le lancer de pierre sur lui. Yanni, vous voyez ? Et ceci prouve qu'il n'a pas quitté l'islam. C'est resté un croyant, un musulman, mais qui n'a pas la perfection de la foi. D'accord ? Il n'y a pas un hadith qu'un sahabi pourrait s'en servir de l'alcool ? Oui. Et oui. Il a dit il est vendant et son messager. Exactement. Donc il y en avait un des sahabis qui consommait de l'alcool. Et à chaque fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, infligeait donc ce châtiment-là des coups de fouet. Et alors qu'il recevait ce châtiment-là, il y avait un sahabi qui l'avait maudit, celui-là qui buvait, qui consommait l'alcool. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela en disant: il aime Allah et son messager. D'accord ? L'acte qu'il faisait, c'était un péché majeur qui n'exclut pas de l'islam. Et c'est ça qui fait la différence entre les Khawarij, notamment, et les gens de la Sunna. D'accord ? Les Khawarij, ils prennent le hadith. On sait très bien sur quoi ils tiennent, les Khawarij. Aucun savant sont avec eux. C'est comme Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il est parti débattre avec eux et que 2000 sont revenus, il leur a dit quoi ? Je ne vois parmi vous aucun des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, lorsqu'on voit les Khawarij, les terroristes là, il n'y a aucun savant de la Sunna avec eux. Aucun. Donc on sait que ces gens-là ne sont pas sur la vérité. Donc eux, sachant qu'ils n'ont aucun savant, ils prennent le texte tel qu'il est. Il n'est pas croyant, celui qui commet. Donc, il considère que c'est un kefir. Vous voyez ? Il rend mécréant. Ben, donc, s'il rend mécréant, c'est que ça y est. Son sang et ses biens deviennent sacrés. Et donc, ils n'ont aucun... Et en plus, ils n'appliquent même pas, subhanallah. En plus, ils n'appliquent même pas le châtiment d'un apostat. Donc, il tue d'un coup de pistolet ou il tue de... Subhanallah. Donc, on sait que ces gens-là, déjà, sont égaux. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les Khawarij et les gens de la Sunna. D'accord ? Donc les Khawarij, ils font le takfir sur les kabair. On comprend là la distinction qu'il y a, bien comprendre ici. Et même sur les péchés mineurs aujourd'hui. Ils font. D'accord ? Donc on a compris, est-ce que c'est bien clair ici ? le châtiment qui est réservé à celui qui consomme de l'alcool ou qui vole, qui consomme de l'alcool ou qui vole ou qui fait zina, il a des châtiments qui sont dans la législation d'Allah. On est d'accord ? Et que ce n'est pas le châtiment de l'apostat. Donc ceci prouve qu'il reste musulman, d'accord ? Mais avec une foi qui est moindre. Il a toujours la foi, ça n'a pas annulé la foi cela. Ce point-là, il est clair ou pas, Inch'Allah ? C'est bien clair, Inch'Allah. C'est important, ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit... ولكن جعلت عليهم حدود مختلفة دليل على أن نفي الإيمان هنا لنفي الكمال لا لنفي الأساس. Ceci est une preuve que ce qui est invalidé, c'est la perfection de la foi et non pas la foi dans sa totalité. D'accord ? الشاهد اختلف أهل العلم هل أعمال الجوارح وقول اللسان داخل في مسمى الإيمان. Donc ici, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les actes des membres et la parole avec la langue font partie de la foi ? D'accord ? Est-ce que ça va ou là ? Je vous sens que ça va aller, Inch'Allah. Donc, est-ce que les actes des membres et la parole, donc là il parle d'une divergence qu'il y a entre les savants. Est-ce que la parole avec la langue et les actes des membres fait partie de la foi ? Ou est-ce que la foi c'est juste croire ? Est-ce que la foi c'est juste croire ? Sans les actes. Ou est-ce que, voilà, est-ce que c'est juste croire ou est-ce que eh bien, les actes des membres et la parole avec la langue fait partie de la foi. D'accord ? D'accord ? Mais là, c'est lorsque c'est mentionné ? Lorsque c'est mentionné seul. D'accord ? Et lorsque c'est mentionné avec l'islam, comme dans ce hadith-là, c'est la croyance. Croire en Allah. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il dit, est-ce que ça fait entrer, donc, est-ce qu'il y a eu une divergence, est-ce que l'iman, c'est acte des membres, parole avec les langues, ou bien c'est juste le fait de attester que c'est véridique, d'accord ? الذي عليه جمهور أهل العلم الإيمان يتألف من تصديق القلب وعمل الجوارح وقول اللسان كل ذلك من الإيمان. Donc, il dit, ce qui est la majorité des gens de science, c'est que la foi comprend avoir cette tasdiq, min tasdiq al-qalb, c'est-à-dire que le cœur, d'accord, affirme, confirme, croit que c'est vrai, d'accord. Wa amal al-jawarih, et le fait qu'il acte, il agit avec les membres. D'accord ? Et il dit avec la langue. Donc c'est la croyance avec le cœur, dire avec la langue et agir avec les membres. D'accord ? Croyance avec le cœur, dire avec la langue et les actes avec les membres. ولكن شعب الإيمان كما رأيتم تتفاوت. Mais comme vous avez vu les branches de la foi, eh bien, elles se devancent les unes des autres, d'accord ? Il y en a une plus haute, une plus basse. D'accord ? من شعب الإيمان من ما تركها يؤدي إلى الكفر. Donc parmi les branches de la foi, il y en a que si une des branches de la foi est délaissée, cela mène à la mécréance. بارك الله فيك. من ترك الشعب الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بها خرج من ملة الإسلام. Donc celui qui a mécru à la plus haute branche de la foi qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, d'accord, et qui a mécru en cela est sorti de l'islam. C'est un mécréant. ومن ترك أدنى شعبة من شعب الإيمان إماتة الأذى عن الطريق. Et quiconque délaisse une des branches de la foi qui est le fait de le plus bas niveau qui est de retirer ce qui gêne du chemin, d'accord ? هل يخرج من الإيمان؟ Est-ce qu'il sort de la foi ? Non. لا. ما عادنا الشعبة الأولى ينقص إيمان من ترك بقدر ما ترك وهي تتفاوت. Donc non, il ne sort pas de la foi, celui qui a délaissé. Ne sort pas de la foi, ne sort pas de l'islam, d'accord ? Celui qui a délaissé d'enlever quelque chose qui gênait sur le chemin. D'accord ? Donc il y a certaines branches, parce que si tu les délaisses, tu tombes dans la mécréance. D'autres, tu ne tombes pas dans la mécréance. D'accord ? بين الشعبة الأولى والشعبة الأدنى شعب كثيرة. Entre la branche la plus haute et la branche la plus basse, il y a plusieurs, il y a de nombreuses branches. متفاوتة qui, يعني se devancent les unes des autres. الصلاة شعبة من شعب الإيمان. La prière est une des branches de l'Iman. Pourquoi on dit l'Iman ? Ça correspond les actes et les mains. Oui, pourquoi ? Seul. Seul, barakallahu fik. Parce que là, c'est l'Iman mentionné seul. D'accord ? Donc il dit As-salat shu'ba min shu'ab al-iman. La prière est une des branches de l'iman. Wa as-siyam wa az-zakat wa al-hajj wa al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa al-jihad fi sabilillah wa talab al-'ilm an-nafi', kull hadhihi min shu'ab al-iman. Donc il dit la prière fait partie des branches de la foi. Le jeûne fait partie des branches de la foi. La zakat fait partie des branches de la foi. Le hajj, le pèlerinage à la Mecque, fait partie des branches de la foi. Ordonner le bien et interdire le blâmable fait partie des branches de la foi. Le combat dans le sentier d'Allah fait partie des branches de la foi. Rechercher la science bénéfique, tout cela fait partie des branches de la foi. تتفاوت درجاتها. Il se devance en degrés. إذن على الصحيح. Donc ce qui est correct, l'iman, la foi, tasdiq bil qalb, c'est croire avec le cœur, wa qawl bil lisan, dire avec la langue, wa amal bil jawarih, et agir avec les membres. C'est ça la foi, d'accord ? Kul dhalika iman, tout cela c'est la foi. D'accord ? Donc là, c'est la foi lorsque c'est mentionné seul. Pas comme dans le hadith de Jibril. D'accord ? Et les délaissés, c'est une mécréance. On avait dit, il y a certaines branches, si on les délaisse, ça tombe dans la mécréance. Mais ceux qu'on avait cités, la salette, c'est une mécréance. Délaisser la salette, comme on va le voir, ça c'est une mécréance. C'est ça, parce qu'on avait dit que c'était... Mais par exemple, délaisser une des branches de la foi comme enlever quelque chose qui gêne du chemin, ça ne rend pas mécréant. Délaisser la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, ça rend mécréant. Il y a certaines qui, lorsque l'individu la délaisse, il tombe dans le kufr. Et d'autres, lorsqu'il la délaisse, il ne tombe pas dans le kufr. D'accord ? Mais il diminue en perfection. Et celui qui commet des péchés majeurs, tels que zina ou serika, le fornication, le vol ou la consommation d'alcool, eh bien, il diminue en foi. Il annule la perfection de la foi et non pas la foi en elle-même. Il délaisse la prière, c'est un kafir, même s'il la reconnaît obligatoire. Mais les grands péchés là, ne font pas partie des branches de la foi. Non ? C'est à l'opposé, je veux dire, c'est normal, mais c'est l'opposé des 60 ou 70 branches de la foi. De quoi ? Les grands péchés. Ça ne fait pas partie des branches de la foi, les grands péchés. Ah, voilà ce que je dis. Les délaissés font partie de la foi. Les délaissés font partie de la foi. Délaisser les péchés majeurs fait partie de la foi. Délaisser les choses interdites fait partie de la foi. D'accord ? Mais à part le shirk, il n'y a pas un autre grand péché qui peut faire sans la foi. Délaisser la prière aussi. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est là, délaisser la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La foi. Non. Non, parce que la foi prise toute seule, on se rappelle. Hein. Okay. La foi, l'iman, lorsqu'il est mentionné seul, ça veut dire la religion dans sa totalité. D'accord ? C'est comme l'islam, comme on le verra par la suite, mentionné seul. Ça veut dire la religion dans sa totalité. Mais lorsque vous avez dans le hadith, vous lisez le texte, vous lisez l'Iman et vous lisez l'Islam, qui sont dans le même nas, eh bien ça a des sens différents. Ça veut dire que l'Islam qui est mentionné dans ce texte-là, c'est différent de l'Islam qui veut dire seul. La totalité, seul. Et l'Iman qui est mentionné ici, c'est différent de l'Iman qui est seul. Non. Pour comprendre le sens, ou la foi pour l'aide, tu vois, au Coran pour voir. J'avais déjà cité ici des hadiths. J'avais déjà cité des hadiths, les hadiths précédents. Ce que. La narration que je vous avais mentionnée tout à l'heure. C'est la foi à 70 branches, non, c'est ça? La narration, le hadith de Wafd Abd al-Qais. Qu'est-ce qu'il a dit? ذكر الإيمان وحده. Donc là, c'est l'Iman, la foi qui est mentionnée seule. Et ceci, ça veut dire quoi? Lorsque l'Iman s'est mentionné seul, c'est أعمال الجوارح, les œuvres. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il les a invités à croire en Allah. Il leur a dit, هل تدرون ما الإيمان بالله? Savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Il leur a dit, أن تؤمنوا بالله. Que vous croyez en Allah, que vous croyez en son envoyé, et que vous donniez le cinquième de ce que vous avez eu en butin. Donc, les actes avec les membres, là, ça fait partie de la foi. Parce que la foi est mentionnée seule. D'accord? Et aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que la foi a 70 branches. 60 et quelques, ou 70 et quelques branches selon les narrations. Le plus haut, c'est la ilaha illallah, et le plus bas, c'est imat al-adha an al-tariq, enlever ce qui gêne du chemin. Donc on voit que enlever, c'est un acte des membres. D'accord? Mais aussi, dire la ilaha illallah, c'est aussi un acte des membres. Mais ça implique quoi aussi? Ça implique une conviction dans le cœur. Et ça implique quoi? Une application de ce que cela implique. D'accord? Donc on voit en fait avec ces preuves-là que l'Iman lorsqu'il est seul, d'accord? Eh bien ça indique l'ensemble. Voilà, ça indique la parole avec la langue, la croyance avec le cœur et... Donc s'il n'y a pas en fait, s'il y a par exemple, il y a juste la langue... œuvrer avec les membres. Si par exemple il y a juste la langue mais il n'y a pas le cœur, c'est là que... Ça on va le voir. Donc Inch'Allah, donc il dit quoi? Il dit, l'Iman c'est quoi? Ce qui est correct, c'est... تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كل ذلك إيمان. Croire avec le cœur, avoir, c'est-à-dire avec ton cœur, tu rends véridique, tu dis, tu crois fermement que c'est vrai, d'accord? Tu le dis avec la langue et tu agis avec les membres. Tout cela fait partie de la foi. وتصديق وحده يحتاج إلى شاهد. Mais le fait de dire je crois, comme il va le mentionner. Eh bien, on doit avoir une preuve sur cela. D'accord? Un témoin, littéralement. Man idda'a annahu musdiq ma dalil. Celui qui dit qu'il est véridique. Quelle est la preuve? Li'anna at-tasdiq 'amal al-qalb. Parce que croire en la véracité, c'est quoi? C'est une œuvre du cœur. Ma dalil 'ala annaka sadiq fi tasdiqika. Quelle est la preuve que tu es véridique dans ce que tu dis être, ce que tu prétends être véridique? Justement, la budda min dalil. Ou la budda min musdiq, ma dalil yusaddiq at-tasdiq. Quelle est la preuve qui prouve que tu es véridique? Tu dis, je crois. Quelle est la preuve qui prouve que tu es véridique? Il dit, a'mal al-jawarih wa qawl al-lisan. Eh bien, c'est agir avec les membres. Et prononcer avec la langue. Idha saluha al-qalb wa sadaqa fi tasdiq ma ja'a bihi an-nabiyyu alayhi salatu wa salam saluhat al-jawarih wal-a'dha fa'amilat wa takallama wa talaffaza bi kalimati at-tawhid wa 'amila bi jawarihi amma man yatruk al-wajibat ويرتكب المحرمات فإذا قيل له في ذلك قال لا الإيمان في القلب الإيمان ها هنا ويشير إلى صدره. Il dit. نعم المرجية الماتريدية. صحيح. نعم. نعم نعم نعم. لذلك المذهب الحنفي يدعون أنهم على العقيدة المتية. Exactement, c'est d'avoir la croyance dans le cœur, dire avec la langue et agir avec les membres. Il a dit. Donc c'est quoi? Donc si en fait ce qui est dans le cœur, la croyance, est correct, d'accord, et que c'est véridique, c'est correct. Il croit en ce qu'est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Alors ses membres vont se rectifier, vont être corrigés avec cette croyance qui est correcte. On est d'accord? Cette croyance qui est correcte, tes membres vont se rectifier, se corriger. Et il se met à agir, et à parler, et à prononcer la parole du tawhid, d'accord? Et il se met à agir sur cela avec ses membres. D'accord? Mais celui qui délaisse les obligatoires et qui fait les interdits. Et lorsque tu lui dis sur cela, qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit non, la foi, c'est ici, la foi c'est dans le cœur. Tu ne peux pas me juger, t'es qui pour me juger, il n'y a que Dieu qui juge. Et ils prennent les qui fait ça mort, madame? Shi'ar là, les comment ça s'appelle, les slogans, ils prennent les slogans des kofars. Seul Dieu peut me juger. Il y en a, ils écrivent comme ça sur une, seul Dieu peut me juger. Si je fais ce que je veux, d'accord, moi c'est là dans le cœur, tu peux pas me juger, t'es qui pour me juger, laisse-moi faire ce que je veux, d'accord, et moi je suis quelqu'un, je vole pas, je suis gentil, subhanallah, et tout est dedans, tout est dans le cœur, subhanallah. Comment tu es dans ta prière, c'est comment tu es dehors, ce que tu as vu, le ressenti de ça, comment tu es dans ta prière, c'est comment tu es avec les gens. Mais déjà, subhanallah, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit, inna salat tanha an al-fahsha wal-munkar, la prière va te mener à arrêter les choses détestables et les choses interdites. La prière. Donc si ta prière est faite correctement, avec khushu', avec crainte pieuse, tu te dis que c'est peut-être ta dernière, et que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Si tu fais les efforts pour corriger ta salette, corriger ton humilité et ta crainte pieuse durant la salette, eh bien ça va être un bouclier, ça va t'empêcher de faire les choses détestables. Ça va t'écarter, tu vas te remettre en question. Tu vois? Et ce n'est pas le fait de délaisser la prière en se disant jusqu'à ce que je délaisse mes péchés pour que je... Non. Prie et tu délaisseras tes péchés par la suite. Mais il y en a, ils te disent, j'ai trop de péchés, je ne peux pas prier. Mais subhanallah, c'est le contraire. Tu pries, ça va t'écarter de tes péchés. D'accord? On ne commet pas des péchés pires. C'est du kufr ça, a'oudou billah. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils disent Allah, hein? Donc ils mémorisent que la deuxième partie du verset. Nabbi ibadi bi anni ana al-ghafur ar-rahim, informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux, le pardonneur. Wa anna 'adhabi huwa al-'adhab al-alim. A'oudou billah, qu'Allah nous en préserve. Ce sont les deux ailes. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Mais tu dois vivre entre la crainte et l'espoir. Crainte du châtiment d'Allah et l'espoir de sa miséricorde. D'accord? Tu es sur cette ligne médiane-là. C'est pas tu restes à être sur l'irja, à tu te dis tu crois, je crois, Allah y pardonne, informe mes serviteurs que je suis le très miséricordieux et le pardonneur, et que mon châtiment est le plus dur des châtiments. Donc, ça, c'est que tu crains le châtiment d'Allah et tu espères sa miséricorde. Tu dois vivre entre les deux, mais c'est pas, comme disait le Cheikh, il dit, lorsque les gens ils font des grands péchés, des péchés majeurs, ils font des interdits et délaissent les obligatoires, et lorsque tu lui dis sur cela, il te dit, en te montrant ta poitrine, ma foi c'est dans le cœur, ma foi c'est dans le cœur, en montrant sa poitrine. On va terminer là, parce que ça va être, inchallah. Je vais terminer juste ce point-là, inchallah. Hadhi da'wa kadhiba. Il dit le Cheikh Mohammed Amel Jami, rahimallah, cette prétention-là, ce qu'il dit en disant que sa foi, c'est là dans le cœur, il dit, ça c'est un mensonge. الدليل على كذب هذه الدعوة لو كان قلبه عامرا بالإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله لما ارتكب المحرمات ولا ترك الواجبات لو صدر منه شيئا من ذلك لبادر بالتوبة أي إن الإنسان ليس بمعصوم قد يرتكب وقد يترك لكنه يؤنبه إيمانه الصادق فيبادر بالتوبة. Vous voyez ici ce qu'il dit le Cheikh Mohammed Amel Jami rahimahullah. Il dit, celui qui prétend cela en disant c'est ici dans mon cœur, il dit ça, c'est une prétention mensongère, c'est un menteur celui qui dit ça. Quelle est la preuve de ce mensonge et de cette prétention-là? Il dit parce que si dans son cœur, comme il prétend, que c'est rempli de foi en Allah, et que c'est rempli d'amour en Allah, et que c'est rempli du fait qu'il donne de la grandeur à Allah Azza wa Jal, pourquoi alors commet-il ces interdits et qu'il se met à délaisser les obligatoires? S'il prétend qu'il aime Allah et qu'il donne de la grandeur à Allah, pourquoi alors il délaisse les obligatoires et commet les interdits? Ça, c'est très vrai. Il prétend aimer Allah, c'est intéressant ça. Celui qui prétend que dans le cœur. Naam, il dit. Ça c'est une prétention mensongère. Et prétend aimer Allah, il dit s'il y a des choses qui arrivent de lui, parce que n'importe qui n'est parfait, d'accord? Là, mon cerveau commence à... De toute façon, on va arrêter sur ce point-là, inchallah. Pourquoi alors il commet les interdits et ne se repent pas? D'accord? Naam Abu Ahmed Jam. Naam. Barakallahu fik. C'est ce que le frère Abu Ahmed avait mentionné, d'Abdallah ibn Mubarak, qui avait mentionné. Une parole qui casse complètement ce madhhab-là des Murji'a, comme on en parlera inshallah, où est-ce qu'il dit tu prétends que tu aimes ton Seigneur alors que tu lui désobéis, hein? Et que cela cette prétention-là c'est une prétention qui n'est pas valable, qui est basée sur rien, parce que celui qui aime quelqu'un le suit et lui obéit. D'accord? Si tu prétends que tu aimes Allah Azza wa Jal, alors tu lui obéis. Et tu suis la voie qu'il a ordonné de suivre. D'accord? Non? Dans la sourate Al-Ras, là, il dit ce qu'il croit, il fait les bonnes œuvres. Non. Donc ça est contredit. Non, exactement. Ou bien aussi dans sourate Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم dans sourate Al-Imran dit si vous aimerez vraiment Allah alors suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc dire comme cette parole là de Abdallah ibn Mubarak barakallahu fik akhi, c'est que il prétend qu'il aime Allah et il lui désobéit et il refuse de lui obéir, mais celui qui aime quelqu'un alors il lui obéit. C'est ça le vrai amour. Si t'aimes, tu lui obéis. Mais tu lui désobéis et tu prétends que tu l'aimes. Subhanallah, ça c'est mensonger. Donc il dit, il n'y a personne qui est immunisé contre le péché. Il y en a qui commettent des péchés, d'accord? Il y en a qui commettent des péchés majeurs. Il y en a qui commettent des désobéissances à Allah, Azza wa Jal. Mais celui qui a la foi, qui est véridique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il revient repentant vers Allah Azza wa Jal. C'est pas, il reste sur ce qu'il est, il continue à commettre, et il est, tu peux pas me juger, la foi elle est là, elle est dans mon cœur. Tu peux pas me juger, il n'y a que Dieu qui peut me juger, il dit, il n'y a que Dieu qui peut me juger, subhanallah. Hein? Donc s'il est véridique, bah pourquoi il ne revient pas repentant vers Allah? Pourquoi il n'obéit pas à Allah? D'accord? Mais il dit, أما كونه يصير على ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ويدعي أن إيمانه في القلب هذه دعوة غير صادقة لأنها دعوة لا بين عليها وكل دعوة بلا بين لا تقبل. Il dit, celui donc qui continue, comme je disais, à commettre les péchés sans revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, à délaisser les obligatoires sans revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, ça, c'est une prétention qui est fausse et c'est un mensonge. D'accord? C'était un mensonge. Car toute prétention qui n'est pas bâtie sur une clarification, d'accord? Eh bien, cela n'est pas accepté. Al-bayna ala sidq, da'wa anna fi qalbihi iman, a'mal al-jawarih. Qu'est-ce qui clarifie, qui montre la clarté de la véracité qu'il a la foi dans le cœur? Eh bien, c'est qu'il agit avec les membres. D'accord? وأن يكثر من ذكر الله تعالى et qu'il dise beaucoup, qu'il fait beaucoup de afkar, afkar al-sabah, afkar al-masa, qui marche, il dit subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, tu vois, il dit subhanallah, il y a quelque chose qu'il voit de une bonne nouvelle, il dit subhanallah, il est stupéfait par quelque chose, il dit subhanallah, il voit, il dit bismillah, il fait du dhikr, il est yani, il habitue sa langue à faire du dhikr. Non, نعم نعم نعم والله عز وجل دي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أو فوكي كخوايي الله عز وجل s'adresse aux croyants. Il dit pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Chose de détestable auprès d'Allah, c'est que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc il dit qu'est-ce qui va clarifier ici de la véracité de l'individu qui prétend que ça dans son cœur il y a la foi? Eh bien, c'est qu'il œuvre, qu'il acte avec ses membres, et qu'il dit avec sa langue, wa qawl al-lisan, et qu'il dit beaucoup, qu'il fait beaucoup de afkar, d'accord, de dhikr. Wa ya'mal ma awjaba Allahu alayhi, wa yajtanib ma harrama Allahu alayhi, et qu'il fait tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de faire, et qu'il s'écarte de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit. Hadha huwa ash-shahid aw al-bayna ala sidq iman al-qalb. Ceci est le témoin ou la clarification, ce qui va clarifier, ce qui va prouver de la véracité de ce qu'il prétend, d'accord, qu'il a la foi dans le cœur, d'accord. Idhan al-iman, iman al-qalb, wa iman al-lisan, wa iman al-jawarih. La foi c'est quoi? C'est la foi dans le cœur, la foi avec la langue, la foi avec les membres. Iman al-qalb yahtaj ila shahid wa bayna. La foi dans le cœur nécessite un témoin et une clarification. Fa iman al-lisan wa iman al-jawarih hadhihi hiya allati tashhad bi sidq ma fi al-qalb. La foi avec la langue et la foi avec les membres, c'est ce qui prouve ce qui est dans le cœur. La foi dans le cœur nécessite un témoin. La foi de la langue, avec la langue, et la foi avec les membres, prouve ce qu'il y a dans le cœur. D'accord ? هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة. C'est ce sur quoi est les gens de la sunna et du consensus, ou la majorité des gens de la sunna et du consensus. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ce que je voulais dire, c'est que si on a le iman dans le cœur, il n'est pas apparent sur les jawarih, on est murtila. Et si on a les actes, le jawarih, l'iman n'est pas dans le cœur, on devient munafiq. Naam, c'est clair, parce qu'on ne croit pas au fond, on a l'impression. Exactement, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps d'atteindre ce point-là. C'est parce que le shir, justement, je devais passer normalement à lui. Mais bon, comme ça fait un peu long, là, on va s'arrêter pour prier Dhuhr, Inch'Allah. Et puis donc, la semaine prochaine, on va commencer avec les explications de Cheikh Al Saleh Sheikh Al Sheikh Hafidhahullah, concernant justement sur ce point-là, qui sont les Murji'a, et sur ce que d'ailleurs a mentionné le frère Abu Suhayb, barakallahu fik. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.